je veillerai sur mes voies, afin de ne pas pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi, et que son rire me harangue. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu loin du bien, mais ma douleur n'en était que plus grande. Un feu brûlait au fond de mon sein. Seigneur, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile, combien ma vie est courte alentour. Tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie n'est devant toi que comme un rien. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle, il passe comme l'ombre sans lendemain. Écoute ma prière, sois attentif à mes larmes, car je suis un étranger devant toi. Oh.